Vous connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Compétition de dynamophilie en fin de semaine à Saint-Georges-de-Beauce. Ils ont surveillé évidemment le trio Germain, Harold et William Veilleux qui tentaient une grande première. Ils sont de Dolbeau-Missassigny, également de Saint-Jean-d'Arc. Une grande première, trois générations ont remporté leur honneur. Et il y avait également d'autres athlètes du secteur qui étaient en action. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec le responsable Mario Roy. Salut Mario! Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Georges-de-Beauce? D'abord, est-ce qu'ils ont réussi le... Saint-Georges, excuse-moi. Je vais te corriger tout de suite. Sainte-Marie-de-Beauce. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Germain, Harold et également William qui tentaient une grande première, trois générations consécutives à remporter les honneurs? Ben moi, dans tout cas, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le milieu, puis j'ai jamais vu ça. De mémoire, là, trois générations dans une même compétition. Okay. C'est la première fois que je voyais ça. C'est vraiment un exploit. Là, OK. Le petit-fils, le père et le grand-père. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas? Est-ce que ça a bien été dans les trois? Sur les trois, ça a très bien été. Ouais, William, le jeune, a réussi tout s'élever, a tout battu ses records personnels. Le père a battu ses records personnels, puis le grand-père, c'était sa première compétition, puis il a fait ça comme un professionnel. OK. Mais est-ce que c'est... Ah, puis il était vraiment tout fier, là. Est-ce que c'était une compétition vraiment, ou c'était, dans le cas de Germain, en fait, là, est-ce que c'était des défis personnels qui se fixaient? Oui, c'était plus un défi personnel dans le cas de Germain. Ouais. Parce que William est rendu au niveau national. Oui. Mais Germain, je pense qu'il a aimé vraiment sa journée, puis il va peut-être continuer. OK. Parce que c'est un genre de qualification, c'est un régional qualification pour le premier. Oui. Il va aller au mois de novembre à Drummondville. Et c'est possible qu'il participe. OK. Dans le cas d'Harold, lui? Harold, même chose, je pense bien qu'il va suivre. OK. Harold, ça fait déjà sa troisième ou quatrième compétition. Il a commencé à 7 heures aussi, mais il a des bons résultats. Puis ça OK. Et on va parler de William, c'est celui-là qui... Je sens que ça, les autres nous intéressent, mais William, évidemment, il est à radio au niveau national. Ouais, ben c'est vraiment un petit phénomène. Ah oui? Ah oui, c'est un phénomène... de force et d'attitude mentale aussi, là. Parce que ça demande beaucoup de qualité, ça demande beaucoup de puissance, de force, mais ça demande aussi une attitude mentale, là. Faut vouloir, puis comment je pourrais dire ça? Faut pas avoir peur des charges. OK. Parce que c'est un sport extrême en réalité, là. Puis faut vraiment tirer au-delà des possibilités, là, tout le temps, au maximum. La dernière fois que je t'ai parlé, il avait fait un exploit tout à fait exceptionnel, il était même surclassé, on disait qu'il était en avant de son temps. À Sainte-Marie, en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Ben, ce qui s'est passé, c'est que là, il a monté de catégorie. OK. C'est normal, il vient d'avoir 17 ans, il est en pleine croissance, on ne peut pas ralentir sa croissance en gardant tout le temps d'un poids minimum. Mm. En montant son poids, ses cheveux ont monté par le fait même, et il a fait encore mieux poids que la dernière fois. OK. Et donc, c'est encore meilleur, dans le fond, là? Ben, il est encore meilleur, personnellement, si on compare à lui-même, là, parce qu'il y a une formule qui appelle la formule Wilk, qui calcule ton total multiplié par ton poids, là, qui te donne un coefficient, puis il s'est amélioré. OK. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce qu'il y a, bon, tu as dit, point de vue national, est-ce qu'il y a des compétitions qui vont faire en sorte qu'il va compétitionner avec les meilleurs au Canada? On laisse faire bien, surtout que le championnat canadien en 2017 a lieu à Saguenay. OK. Ça fait des années que ça n'a pas eu lieu au Québec. Parce que bien souvent, ce qui bloque les jeunes, c'est au niveau financier. Ben oui. Quand tu vas dans l'ouest du Canada, là, c'est 4-5 jours, vous avez l'avion, etc. Ce n'est pas toujours évident de déployer ces coûts-là. OK. On espère bien qu'il pourra être participer. Par contre, il a appliqué pour entrer dans l'armée. Je ne sais pas en quoi ça va peut-être nuire ou ça va aider. Ouais. C'est sûr que ça peut nuire peut-être à son cheminement aussi. Peut-être, ou ça peut aider aussi. Des fois, l'armée encourage les athlètes d'élite. OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas des autres athlètes? Il y en avait plusieurs de Dolbeau-Missassigny également? Oui, bon, j'avais Rémi Dufour, un vieux de la vieille. OK. Qui a participé à plusieurs compétitions. Rémi, il vieillit, puis il vieillit comme de bon vin, comme on dit. Il s'est amélioré encore, il a fait la meilleure performance. Oh, OK. Oui, il y avait 1 an et demi arrêté. Dans la compétition. Oui. Puis après les fêtes, il m'a appelé, puis il m'a dit j'aimerais ça rembarquer. Puis on a travaillé ensemble, puis ça a donné de très bons résultats. J'imagine que ça se perd pas, ça. Ben, la force, c'est une des qualités qu'on perd la moins vite, là. On va perdre la résistance, la récupération. Mais pour donner un coup de force, d'un fouet, là, c'est une des dernières qualités physiques qu'on perd. OK. OK. Ouais. Bon, ça, j'avais le Marc-Antoine Fraser, c'est un petit jeune de la région. Ça, c'est-tu le garçon à Camille Fraser? OK. Non, c'est son cousin. Le garçon à Camille, c'est Maxime qui est de mon équipe aussi, mais il n'y a pas parlé. OK. C'est son cousin. OK. Il est dans la même famille. Puis j'avais la petite Madon Pronovo, une petite fille de Mistassini, qui est entrée à sa première compétition. Ça a bien été dans le cas? Ça a très, très bien été. Une petite erreur technique sur un mouvement, là, oublier un signal, une opposité, mais en général, c'est très... OK. Dans l'ensemble, est-ce que le club de dynamophilie, il y avait combien de participants, tout et partout? Dans la compétition, en tout, il y avait 54 participants. Puis donc, je regarde ça, le club de dynamophilie, 3, 4, il y avait 6, 7 participants de Dolbeau Mistassini. Donc, déjà là, ça prouve que le club est en santé. Et le club est en santé. Puis moi, dans mon club, j'ai du monde un peu partout aussi. OK. J'ai du monde de Drummondville, j'en ai de Québec. Des anciens élèves là, qui me reviennent. Mais je me consacre plus à Dolbeau Mistassini. OK. Mais quand tu dis dans ton club, c'est-tu le club de Dolbeau Mistassini ou c'est le club de Mario Roy? C'est le club de Mario Roy. Ben, on appelle ça le club de force élite. Club de force et musculation. OK. OK. OK. Et donc, j'imagine que tu es en recrutement encore? Oui. Je recrute. À la minute, il y a des jeunes ou des plus vieux qui ont ce potentiel, qui veulent faire la compétition, qui veulent être suivis. Je suis ouvert. À n'importe quel OK. C'est pas un sport tellement connu encore, donc j'imagine... C'est pas connu. Peut-être pas ici, mais ça va plus savoir au Québec, plus ça grossit. OK. Si on regarde au niveau des membres, là, depuis les 5 dernières années, ça augmente à chaque année. Ben, c'est clair. Puis en Ontario, là, ils ont presque 1000 membres. Là. OK. Mais c'est un sport relativement jeune encore, donc qui a tout à se faire connaître. Là. Oui. À comparer à l'haltérophilie, l'haltérophilie existe depuis 1896, les années. Ouais. La dynamophilie reposée, ça a été vraiment là, fondé là, avec une bonne structure et des règlements dans les années 70. Là. OK. Prochaine compétition pour tout ce beau monde-là de Harold. Normalement, ça devrait être en novembre, c'est le 12 ou 13 novembre à Drummondville. Championnat provincial. C'est un peu ce que William avait fait l'an passé, puis c'est la même compétition. Ben, Mario Roy, très intéressant. On va se reparler. Peut-être que tu as quelque chose, je n'entends pas. Il n'y a pas de problème. Le responsable du club de Dolbeau Mistassini, Mario Roy.